Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. C'est KRL 89.1. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita, votre rendez-vous avec le bon rock progressif. Et on a beaucoup de nouveautés de 2017 pour vous ce soir, et également des découvertes de 2016 et des trucs qui n'ont jamais joué encore à l'émission. Et d'ailleurs, on a quelques primaires et un deuxième extrait d'une découverte que Michel nous a fait découvrir, en fait, oui, la semaine dernière. Alors, c'est Marc Chaudet avec vous à l'animation et au choix musical et à la mise en onde pour le moment, parce que notre ami Bruno n'est pas là. Alors, on aura ce soir comme nouveauté une découverte que j'ai fait la semaine dernière, un groupe du Mexique, Ecos, A-E-K-O-S. Alors, c'est leur deuxième album. Leur premier était paru en 2012. C'est un groupe qui fait dans le space rock, prog, pas mal intéressant. Franchement, là, leur plus récent album, Otra Dimension, c'est paru en 2017, ça vient tout juste de paraître. Et déjà, si on va dans les palmarès, là, ils se classent là, dans les très bonnes parutions de ce qui est sorti jusqu'à maintenant dans le rock progressif. Alors, on découvrira une pièce de ce groupe, Ecos, plus récent album, la pièce Orillas del Tiempo Parte 2. On aura également une autre nouveauté qu'on vous a fait jouer à quelques reprises déjà, The Ancient Veil. The Ancient Veil, c'est un groupe italien qui avait fait paraître un premier album en 1997. C'était en fait des gens qui avaient formé Iris Pluvia au départ. Puis ce qui est spécial, c'est qu'Iris Pluvia revenait en 2016, fin 2016, avec un nouvel album après plusieurs années d'absence. Et puis là, cette année, c'est The Ancient Veil. Je disais également récemment dans le livre que Michel Bilodeau a écrit sur Fabio Zuffanti que Fabio avait participé au texte de cet premier album de The Ancient Veil. Je ne connaissais pas encore Fabio Zuffanti à ce moment-là. Parlant de Fabio Zuffanti, on aura Ost Sonaten. Comme vous le savez, Ost Sonaten et Fabio Zuffanti seront à Québec pour un spectacle spécial au Festival Terra Incognita. Ça va être le 21 mai prochain. Ça, c'est au Centre d'art La Chapelle, avec Il Paradiso degli Orchi, dont on entendra également un extrait tantôt, et Comedy of Errors. Également, le samedi, à Terra Incognita, il y a Universe FX de Québec, Eden Song des États-Unis et Glass Hammer des États-Unis. Et le vendredi, un hommage à Yes avec un groupe. Si vous avez aimé, pour l'hommage à Genesis, The Musical Box, qui était très vraiment proche là, de ce que le groupe original faisait. Mais c'est un peu la même chose avec ce groupe Yes Songs The Concert, qui font la musique de Yes. Alors ça, c'est le vendredi soir au Centre d'art La Chapelle, donc 19, 20 et 21 mai prochain. Parlant de concert, on aura également un extrait du dernier IQ tantôt, parce qu'il y a le spectacle de IQ dans deux semaines. C'est à la salle Jean-Paul Tardy du collège Saint-Charles-Garnier. IQ, et qui vont certainement jouer une rétrospective de leur carrière et plusieurs pièces de leur plus récent album paru en 2014, The Road of Bones. On parlera d'autres spectacles tantôt qui s'en viennent. D'ailleurs, le 5 mai, il y a le groupe Anglagarde qui sera également à la salle Jean-Paul Tardy. Et pour débuter, donc, on va avoir une primeur. Steve Hackett dont son nouvel album The Night Siren va paraître au début avril. Et il y a une première pièce là, qui est parue. Si vous allez sur la page Facebook de Terra Incognita, vous allez voir la vidéo de cette pièce The Night Siren. Donc, 25e album en carrière pour Steve Hackett. Moi, c'est un artiste qui m'impressionne. Je trouve que dans ceux là, qui étaient dans Genesis, là, franchement, là, maintenant, celui qui a la meilleure carrière, selon moi, c'est Steve Hackett, le plus productif et qui surprend d'un album à l'autre encore beaucoup. Et il semblerait que cet album-là soit peut-être un de ses meilleurs en carrière, donc c'est peu dire. The Night Siren, donc on aura la pièce intitulée Behind the Smoke de Steve Hackett pour débuter l'émission, en suivi de Ostsonaten, The Ancient Veil et Echos. Thank you. te pierdo. Desde el lago del tiempo, las arenas no siento. Respiro y no cuento. Orillas del tiempo, te ahogo y me encuentro. Orillas del tiempo, me ahogo y me encuentro. Alors, ce qu'on entend là, c'est le groupe mexicain Ecos, E-K-O-S, et c'est leur second album, Otra Dimension. C'est une nouveauté, ça vient tout juste de paraître. C'était un groupe, au départ, qui était un hommage à Pink Floyd, et si vous aimez ce style-là, vous risquez d'adorer cet album, qui effectivement a des clins d'œil floydiens, mais une belle personnalité. Juste avant, on avait The Ancient Veil de l'Italie. C'est un album paru en début d'année, au mois de janvier. L'album I Am Changing, c'était la pièce Bright Autumn Dawn. Juste avant, on avait eu Ostsonaten, tiré de leur plus récent album Symphony No. 1, Cupid and Psyche. Puis il y en aura des extraits qui sont présentés, là, évidemment, en spectacle à Terra Incognita. Le 21 mai prochain au Centre d'art La Chapelle, et c'était les pièces de Sacrifice et Zephyr. Et on avait débuté avec Steve Hackett de son album qui va paraître dans quelques semaines, deux semaines environ, deux à trois semaines, tout dépendant de ceux qui ont accès au téléchargement, ou pour avoir l'album physique. Son nouvel album, The Night Siren, 25e album en carrière, et c'était la pièce Behind the Smoke. Alors, Bruno s'est joint à moi, c'est beaucoup plus facile pour la mise en onde, comme ça, il n'y aura pas de petits bugs. Et dans le deuxième bloc, on a une nouveauté que Michel vous a fait découvrir la semaine dernière, Capper Cars Constant. Et bon, il faisait un petit clin d'œil là, au fait que je sois très fan de la musique de Van der Graaf et Peter Hamill, puisque David Jackson joue sur cet album-là. Et j'ai fait des petites recherches, évidemment, pour connaître. Je connaissais pas ce groupe. Là, c'est leur deuxième album. C'est un projet de Al Nicholson et Nick Jefferson, et un guitariste et un claviériste. Un bassiste, oui, c'est ça. Il y en a un qui fait la basse, l'autre qui fait les guitares et les claviers. Et sur ça, il y a Dory Jackson, qui est la fille de David Jackson. C'est elle qui chante. Et donc, David Jackson. Puis, c'est leur album Fate Outsmarts Desire. Ça c'est paru le 10 mars, donc c'est tout récent. Et cet album, et on aura un extrait d'une pièce, une longue pièce de 21 minutes, mais on en aura un extrait de peut-être la moitié de cette pièce Houdini, une pièce évidemment qui parle de celui qui s'évadait là, tout enchaîné, même dans un caisson avec de l'eau. Houdini, King of Cards de Copper Cars Constant. On aura également Il Paradiso degli Orchi, qui nous visiteront la même journée au Festival Terra Incognita. Et c'est à ne pas manquer, les billets sont en vente. Parlant de spectacle, il y a également, qu'est-ce qui vient de se rajouter? Ellie Jobson puis Mark Bonilla, qui était avec Emerson, font un hommage à John Wetton et Keith Emerson le 30 avril. Et ça va être également à la salle Jean-Paul Tardy. Et il y a le 14 mai, Adrian Bilou, Trio, Power Trio, à la même place. Il me semble que Eddie Jobson, c'est pas la même place. En tout cas, c'est à vérifier sur la capitale du prog. Et on y va en musique, comme je le disais, avec Il Paradiso degli Orchi, tiré de leur plus récent un album que j'adore, qui est paru l'an dernier, Il Corponauta, la pièce La Stanza dei Ricordi. Et ce sera suivi, comme je le disais, de cette nouveauté, Capper Cars Constant. On aura également IQ, tiré de Road of Bones. On aura la pièce From the Outside In. Et également Blackfield, leur nouvel album. C'est un projet de Aviv Giffen et Steven Wilson. Sur cette pièce-là, c'est surtout Steven Wilson, Family Man, donc du nouveau Blackfield, cinquième, qui vient tout juste de paraître également. On y va tout de suite avec Il Paradiso degli Orchi.

Come write your sorrows down here in the sand. Come write. Escape the great beyond, he will always remain the greatest escape artist of all time. Listen to them. Sensational, wasted fall.

En ouverture, le bluesman Matt Anderson. Billets en vente à imperialbell.com. Une présentation de 3E en collaboration avec CKRL. Venez écouter Don Tyler Watson le 23 mars prochain au Théâtre Petit Champlain. Interprète dynamique à la voix puissante et envoûtante, la gagnante du groupe de l'année au Memphis International Blues Challenge vous promet une soirée enivrante en compagnie de musiciens explosifs. Au menu, blues, soul, R&B, gospel et swing, avec les pièces de son plus récent album, Jawbreaker. Billets en vente au théâtrepetitchamplain.com. Un 5 à 7 à la Ninkasi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, complice depuis maintenant 10 ans. 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. Et de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe du Royaume-Uni IQ. IQ qui seront en spectacle le 8 avril prochain. C'est à la salle Jean-Paul Tardy du Collège Saint-Charles-Garnier. Et leur plus récent album, donc, s'intitule The Road of Bones. Et on a entendu la pièce From the Outside In de cet album paru en 2014, juste avant une nouveauté, Capper Cars Constant. Et ça nous vient du Royaume-Uni également. Et sur ça, il y a David Jackson qui jouait dans Vandagraph Generator et sa fille qui chante dans ce groupe-là. Un groupe qui est formé par Al Nicholson et Nick Jefferson. C'est leur second album et c'est paru le 10 mars. Donc, ça fait c'est pas longtemps. Et deux semaines. Et Michel en avait fait jouer un premier extrait la semaine dernière et j'ai trouvé ça très intéressant. Un album à découvrir. Et on avait débuté avec Il Paradiso degli Orchi. Au bonheur des ogres, de l'ogre. Il Carponauta, c'est le titre de leur plus récent album, et ils nous rendront visite au festival Terra Incognita. En parlant de musique, il y a également le 14 mai Adrian Belew Trio, qui sera également à la salle de Jean-Paul Tardy. Et comme je parlais tantôt de Eddie Jobson et Mark Bonilla, ce serait dans un auditorium au Collège Garneau. Alors, voilà, pour le 30 avril. On poursuit en musique avec Blackfield, donc j'en parlais tantôt, projet de Aviv Giffen et Stephen Wilson. Et on aura la pièce, une pièce, c'est quand même un album quand même assez pop, si on veut, là, qui est très accessible. La pièce Family Man, toutes de courtes pièces en format chanson. Et il n'y a rien qui s'étire dans ces pièces-là, mais il y a une bonne collaboration entre les deux artistes pour cet album-là. Blackfield, donc 5. Leur cinquième disque, évidemment. Et on aura également Red Sand. C'est un groupe de Québec qui ont fait paraître leur nouvel album, un album intitulé 1759. Ils ont donné un spectacle cette semaine, jeudi, au Centre d'art La Chapelle. Là, c'était très bon. Très bon. Ils vont présenter un festival, leur prochain spectacle dans un festival, oui, en Allemagne. Et la joue de la claviériste et fille du compositeur et guitariste de Red Sand. Donc Pensilia Caron apporte beaucoup à ce groupe et également toute la je pense l'harmonie du groupe est beaucoup améliorée. Franchement, c'est un groupe qui est capable de renaître encore, c'est bien. Red Sand qu'on avait présenté au Terra Incognita en 2007 au festival et qui sont encore actifs aujourd'hui, un des rares groupes encore actifs de cette époque-là. Bravo. Donc, on écoutera la pièce My Mind juste après Blackfield. Et on aura également Vox Nostra de la France. Ça, c'est pas mal intéressant aussi. C'est Pierre Mainvielle qui est le compositeur principal et claviériste et également chanteur. Le groupe a pu faire penser à Magma, si on faisait référence, pour les albums précédents. Mais le plus récent, Tout le monde, paru en 2016, est différent. Oui, une belle personnalité. On écoutera une pièce de cet album-là, une pièce intitulée « Les mots du mal ». Mais tout d'abord, on y va avec Blackfield. Breathe in, breathe out. Yeah. terre. Pour ceux à qui s'adressent ces paroles traîtresses, j'ai un discours de miel et un fleuve de fiel. Ma langue est une lame qui découpe les âmes. Je vomis des injures, des noms pleins de souillures, en colorant mon verbe de nuances acerbes. Je projette des flammes, précipitant les drames, et l'esprit de rancœur qui déchire les cœurs. Je profère une menace en phrases qui terrassent, comme un torrent de fer aux vapeurs délétères. Pliez votre conscience aux règles de ma science, est une loi des reins. Tenir entre mes mains les rêves de vos vies est ma délectation suprême, et mon envie de nuire est ma passion. Dévorant les valeurs de votre long passé. J'aime fouler aux pieds les textes de vos lois. Détruire votre droit est le préliminaire d'une œuvre sanguinaire. Je suis prédicateur, le mal, mon âme sœur, me soutient dans ma tâche, mon labeur sans relâche. Mon esprit est grandiose, je suis de ceux qui osent repousser les frontières de votre caractère. Je souffle les crotales de la lutte finale, semant la contagion d'un virus d'opinion. Le combat est fini quand vous aurez dit oui à mes furieux dictats, c'est mon apostolat.

qui les ont marqués quand ils étaient jeunes. Et il y a sur ça Fabio Zuffanti, justement Mox Cristadoro, qui est un batteur, et plein d'autres excellents musiciens. Et c'était la pièce L'Operaio Gerolamo de l'album éponyme Cristadoro, une nouveauté parue en tout début 2017. Juste avant, Vox Nostra de la France, et c'était de leur plus récent album Tout le monde, la pièce Les mots du mal. Et moi j'ai beaucoup aimé la musique de Vox Nostra, là. C'est certain que je vous en referai jouer d'autres pièces de ce groupe français que je connaissais pas du tout, et dont le fondateur et principal compositeur est Pierre Mainviel. Et bon, on avait eu également Red Sand de Québec. Il y a des auditeurs là, qui ont beaucoup apprécié la pièce My Mind de leur plus récent album 1759. Red Sand, c'est leur 7e album depuis 2004. Et dans 2 semaines, ils vont faire un festival en Allemagne, avec également Mystery du Québec qui vont être là, et un paquet de groupes allemands, évidemment. Alors on y va avec, il nous reste une vingtaine de minutes, avec Xavier Bocher. Ça a joué aux Illusions auditives il y a 2-3 semaines. Tiré de Pentagramme, c'est un artiste français. C'est son 9e album. Et c'est un guitariste. Et c'est l'album Pentagramme qui a pour symbole, en fait, les grands principes. Le pentagramme a comme les pointes là, pour l'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la vertu. Alors, c'est un album concept, et on écoutera la pièce La Lune Rouge. Moi, ça m'a fait un peu penser à la Orla de Box, que j'avais beaucoup aimé, cette pièce-là, de Xavier Bocher, tirée de Pentagramme. On aura également, ça c'est une découverte que Michel nous a fait découvrir la semaine dernière, Brieg Guéverneau. C'est un breton, et c'est son 3e album, Valgory, qui veut dire la rêverie. En breton, et ça rock beaucoup là, c'est vraiment super bon, franchement là. On aura un second extrait, Anne Evisen, et également donc la nouveauté de Richard Barbieri, qui comme Blackfield sur K-Scope, là, c'est des nouveautés de K-Scope. Richard Barbieri qui était dans Japan, et également le claviériste de Porcupine Tree, vient de sortir un album. C'est très planant là, comme album. On aura également un extrait de cet album-là, intitulé Planets plus Persona, de Richard Barbieri, pour terminer l'émission. Mais tout d'abord, comme je le disais, on y va avec Xavier Bocher. La lune rouge. achète à prendre sa revanche. Je ne suis pas cadastre blanc, je veille sur les éléments. Je suis l'eau, la terre, l'air et le feu. Je veille sur les éléments. Je suis l'eau, la terre, l'air et le feu. La lune. La lune. We'll be right back. comes on. Gloria res ante vesar. On don starve. On don lagatse.